franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Faut-il avoir peur de la vérité ? C'est, semble-t-il, ce qu'on a pensé à Nouméa, ou de fait, le dernier film de Mathieu Kassovitz, L'ordre et la morale, a été interdit de diffusion commerciale. Non pas que cette fiction sur le drame Nouméa reflète entièrement la vérité, mais on y voit clairement, et pour la première fois au cinéma, la réalité de ce que fut l'assaut de la grotte des guerriers en 1988 et les exactions commises ensuite par des soldats français sur les prisonniers kanaks. Monsieur X m'a donc proposé de revenir sur ce dossier qui demeure sulfureux et 10 ans après l'avoir ouvert ici même à France Inter, il fait le point, recense les questions qui font encore débat et ajoute, comme d'habitude, quelques informations inédites. Pour bien comprendre la tragédie d'Ouvéa et les événements sanglants qui l'ont précédée, il faut d'abord tenir compte de la situation politique de la Nouvelle-Calédonie en 1988. Mais rassurez-vous, je vais être bref. Une donnée permanente d'abord. Depuis que ce lointain territoire est devenu français en 1853, la population autochtone s'est révoltée à de nombreuses reprises pour protester contre la colonisation et la confiscation des terres. Et la répression qui a suivi ces mouvements a été féroce. Bien entendu. À la fin des années 60, nouvel accès de fièvre. De jeunes Kanaks dénoncent la marginalisation économique et le racisme dont ils sont victimes. Le pouvoir riposte fermement. Et pour contrer ce mouvement, Paris appelle à une immigration massive de citoyens européens ou originaires des départements d'outre-mer vers la Nouvelle-Calédonie. Afin que les Kanaks deviennent minoritaires chez eux. Ce qui va arriver effectivement. En 1981, l'élection de François Mitterrand redonne espoir aux indépendantistes. Mais cela se traduit surtout par une exaspération des tensions entre les autochtones et les colons, les caldoches comme on les appelle. En 1983, le secrétaire d'État socialiste au Dom-Tom, Georges Lemoine, fait un geste spectaculaire. À l'issue d'une table ronde, la légitimité du peuple kanak sur sa terre natale et son droit inné à l'indépendance sont reconnus. Ah, ça, c'est une première. Et le successeur de Lemoine, Edgar Pisani, poursuit dans le même sens en mettant en place un découpage régional favorable aux Kanaks et en prévoyant un référendum sur la cession du territoire à l'indépendance en association avec la France. Pourtant, il s'est produit un événement très grave. En janvier 1985, au cours d'une manifestation, un leader indépendantiste, Éloi Machereau, a été abattu par des gendarmes du GIGN. Et pour les Kanaks, Machereau devient un martyr. Et il ne fait nul doute que les ravisseurs d'Ouvéa penseront à lui quand ils agiront. Et quand arrive alors la cohabitation de 1986 ? Avec la nomination de Jacques Chirac au poste de Premier ministre. Bernard Ponce, le nouveau ministre des Dom-Tom, prend systématiquement le contre-pied des initiatives de ses prédécesseurs et organise un véritable quadrillage militaire des tribus kanaks. Il veut briser le mouvement indépendantiste qui, selon lui, se réduit à une poignée d'agitateurs. Et forcément, la tension monte entre les deux communautés. D'autant qu'en octobre 1987, des métis appartenant au parti caldoche, le RCPR, sont acquittés par la cour d'assises. Et pourtant, il a été établi qu'ils ont tué 10 militants kanaks, dont 2 frères du charismatique leader indépendantiste Jean-Marie Tjibaou. C'est un tournant, ça. Oui, en apprenant ce surprenant verdict, ce dernier déclare qu'il n'y a pas de justice pour les Kanaks puisqu'on peut les abattre comme des chiens. Et ce pacifiste annonce qu'en Nouvelle-Calédonie, pour les Kanaks, la justice ne peut s'exercer qu'avec des coups de fusil. C'est un discours prémonitoire. 8 mois plus tard, ce sera la prise d'otage et la tragédie d'Ouvéa. Comment est-ce que ça commence, rappelez-moi. En 1988, le ministre Bernard Ponce a décidé de jumeler l'élection présidentielle avec les élections régionales qui doivent déboucher sur l'adoption d'un nouveau statut très défavorable aux indépendantistes. Le FLN-KS, le principal parti kanak, prône le boycott du scrutin, tandis que le pouvoir envoie là-bas des contingents supplémentaires de gendarmes et de militaires. Et des indépendantistes doivent vivre ça comme autant de provocations. Naturellement. Et pour protester, ils envisagent d'occuper des gendarmeries. C'est ce qui va se passer le 22 avril à Ouvéa, dans l'archipel des îles Loyauté, à 150 km de Nouméa. Ouvéa, c'est un atoll longiligne de 24 km recouvert d'une forêt subtropicale, très dense, et bordé de plages de sable plantées de cocotiers. Oui, un décor de rêve. Et la population? Elle est essentiellement mélamésienne et regroupe plusieurs tribus. Qui vivent donc dans des villages disséminés dans la forêt. Le principal, là où se trouve la gendarmerie, c'est Fayaoué. Est-ce que c'est un poste important? D'habitude, il y a 3 gendarmes. Mais à cause de la proximité du premier tour des élections fixées au 24 avril, 28 gendarmes mobiles sont venus renforcer l'effectif. Ça, c'est beaucoup pour une aussi petite île. Et pour les tribus d'Ouvéa, c'est une provocation de plus. Donc les indépendantistes vont passer à l'action. Le 22 avril, 2 jours avant la date des élections, des Mélanésiens s'introduisent dans le bâtiment et d'autres attendent à l'extérieur. Que veulent-ils? Prendre les gendarmes en otage. Mais l'un des officiers résiste, prend son arme et tire. La suite est presque inévitable. 4 gendarmes sont tués. On a dit que ces représentants de l'ordre ont été massacrés à coups de sabre et de couteau. C'est aussitôt ce qu'on a prétendu à Nouméa, mais c'est complètement faux. Ces gendarmes ont été tués par balles. Alors pourquoi ce mensonge? Il fallait accréditer l'idée que les Kanaks n'étaient que des sauvages. Ce ne sera pas la seule contre-vérité. Plus tard, on prétendra que les meneurs de l'attaque ont été formés en Libye. Une stupidité, bien sûr. Mais tout était bon pour discréditer ces hommes et justifier ce qui va suivre, c'est-à-dire la mise sur pied d'une véritable opération militaire. D'accord, mais il y a quand même eu la mort de 4 gendarmes. Et la capture de tous les autres. Je ne conteste pas la gravité des faits, même si, vraisemblablement, il s'est agi d'un dérapage. Le FLNKS, qui était à l'origine de cette initiative, je vous l'ai dit, avait d'ailleurs prévu d'autres opérations similaires. Mais le massacre d'Ouvéa va contrarier les desseins des indépendantistes. Mais si vous le voulez bien, revenons aux faits. Les Kanaks ont donc pris les gendarmes en otage. Et par la même occasion, ils ont aussi raflé toutes les armes et tous les véhicules de la brigade. Après l'attaque, les indépendantistes se séparent en 2 équipes. Un convoi part vers le nord, l'autre vers le sud. Les Kanaks qui composent ce dernier groupe libèrent assez rapidement leurs otages. Et les autres? Ils s'enfoncent dans la forêt. Et très vite, on perd leurs traces. Pendant ce temps, de considérables renforts arrivent sur l'aérodrome d'Ouvéa. Tandis qu'à Paris, on décide d'envoyer le GIGN sur place. Mais la décision la plus importante, c'est que le gouvernement Chirac dessaisit la gendarmerie et donne tous les pouvoirs au général Vidal, qui commande les forces armées en Nouvelle-Calédonie. Alors même qu'un général de gendarmerie venait d'arriver tout exprès de Paris. Et comment interprétez-vous cette décision? C'est un choix significatif. Le pouvoir n'entend pas conduire une opération de police, mais une véritable entreprise militaire. Alors comme si la Nouvelle-Calédonie n'était pas vraiment un territoire français. Exactement. Et pardonnez-moi, mais ça rappelle les expéditions coloniales. Et ça explique aussi les premières bavures. Quoi? Je vous explique. Un détail important d'abord. Ouvéa est déclarée zone militaire et est interdite à la presse. Pas de témoins gênants, quoi. C'est en effet l'objectif. Gendarmes et militaires commencent d'abord à utiliser les hélicoptères pour repérer les otages et leurs ravisseurs. Mais la forêt est très dense. Donc on ne voit rien du ciel, c'est ça. On peut circuler sans se faire repérer. Donc les militaires vont changer de tactique. Ils savent que l'un des convois est parti vers le nord, là où se trouvent 3 tribus notoirement favorables aux indépendantistes. Surtout l'une d'elles, celle de Gossana. Donc on peut penser que les ravisseurs y ont trouvé refuge? De l'aide. Par conséquent, les gens de Gossana savent vraisemblablement quelque chose. Les militaires investissent donc la tribu. Et ils vont le faire sans grand ménagement. Et disons-le franchement, la manière forte qu'ils vont utiliser rappelle les méthodes des para-français lorsqu'ils débarquaient dans des mechtas algériennes soupçonnées d'avoir des contacts avec des félagas. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Un commentaire, celui d'Edoui Plenel, extrait de son ouvrage « Mourir à Ouvéa, le tournant calédonien ». Le journaliste évoque, je cite, « une guerre sauvage, puisque dépourvue d'assises légales crédibles, ni l'état d'urgence, ni l'état de siège ne furent proclamés, seul cas où l'armée récupère par la loi les pouvoirs de l'autorité civile. » Et plus loin, le même auteur écrit encore, « On ajoutera également la décision de déclarer provisoirement Ouvéa zone militaire, comme on le fait de certains terrains de manœuvre. Le tout fera de l'atoll une zone à part dans la République française, interdite à la presse, privée de communications téléphoniques, coupée du reste du monde. Autrement dit, un lieu d'exception où les règles démocratiques habituelles n'ont plus cours. » Est-ce que l'emploi de la manière forte, pour reprendre votre expression, donne des résultats ? Eh bien, ces interrogatoires musclés permettent d'établir que ravisseurs et otages se trouveraient dans une grotte, la grotte des guerriers, un endroit sacré où les Mélanésiens déposaient les dépouilles des guerriers morts au combat. C'est donc une sorte de lieu de culte. Et on ne tiendra pas assez compte de ce fait. La grotte est en principe inviolable. Surtout par les Blancs. Et les Kanaks seront prêts à la défendre chèrement. Oui, outre son caractère symbolique, le choix de la grotte des guerriers est assez judicieux. Et pourquoi ? Parce que l'entrée se trouve au fond d'un cratère aux hautes murailles et que, partout, la végétation est foisonnante. Assez facilement défendable. Oui. Donc, ouais. J'imagine que les militaires doivent d'abord procéder à une sorte de repérage. C'est à peu près ça. Le premier qui y va est un jeune lieutenant. Il est accompagné d'un pisteur. Un type qui appartient à une tribu anti-indépendantiste. Mais ça se passe très mal. Le lieutenant est fait prisonnier et le pisteur est malmené. Toutefois, les hommes du GIGN ont tout observé à la jumelle. Ils ont donc pu découvrir le système de défense des occupants de la grotte ? Exactement. Ils ont noté en particulier les postes de combat établis à l'extérieur. Ils ont aussi entrevu le chef des ravisseurs, un certain Alphonse Dianou. Qui est celui-là ? C'est un ancien séminariste qui a rompu avec l'Église et qui s'occupe des jeunes du parti indépendantiste, le FLNKS. Et Chibaou a également reçu une formation religieuse. Oui, il a même été ordonné prêtre avant de renoncer et de devenir un leader politique. Ça veut dire que l'Église a joué un rôle dans la prise de conscience des jeunes Kanaks et leur formation. Bon, l'Église, ou certains de l'Église, incontestablement. Mais ces gens, pour la plupart, se sont séparés de l'institution, même s'ils ont gardé la foi. Mais c'est le cas de Dianou, là ? Oui. Et c'est un personnage violent. En tout cas, c'est un militant pur et dur. À noter qu'avant de quitter les siens pour aller attaquer la gendarmerie de Fayaoué, il a noué un foulard rouge autour de son cou. Ce qui signifie, là ? Selon les usages coutumiers, ça signifie que Dianou est prêt à verser son sang, s'il le faut. Alors, revenons à la chronologie, là. Ravisseurs et otages sont donc repérés. Mais entre-temps, il y a eu les élections. Le 24 avril, oui. Premier tour des présidentielles et élections régionales. Elles ont été massivement boycottées par les Kanaks. C'est donc un échec pour le gouvernement. Oui, même si, comme il fallait s'y attendre, les Caldoches, eux, ont largement participé au scrutin. Il faut aussi noter à Nouméa une forte poussée du Front National. Et ça aussi, ça va compter. Parce que bientôt se profile le deuxième tour de la présidentielle. Et au premier tour, là, globalement, le score de Jacques Chirac a été médiocre. C'est exact. Ouais. Par conséquent, le candidat Premier ministre peut être tenté d'user de fermeté pour séduire la droite dure. Ah, c'est aussi exact. Et sur le terrain, alors ? Deux hommes vont jouer un rôle très important. Un magistrat, le substitut Bianconi et le chef du GIGN, le capitaine Le Gorgu, qui est arrivé le 24 avril. Tous deux ont essayé de prendre langue avec les ravisseurs. Pour négocier ? Oui, chez Bianconi, un magistrat qui ne manque pas de courage, il y a sans doute la volonté de reprendre les choses en main. Ouais, il veut restaurer la primauté de la justice dans cette affaire ? Je le pense, oui. Et il décide d'aller seul et sans armes parler avec Dianou et les siens. Mais ça, c'est risqué. Hein ? Très risqué, oui. Alors, au dernier moment, le capitaine Le Gorgu décide de le rejoindre. Et comment sont-ils accueillis ? Pas très bien, comme vous pouvez l'imaginer. Dianou, assez excité, menace d'exécuter des otages si Le Gorgu n'ordonne pas aux hommes qui l'ont accompagné sur les lieux d'entrer à leur tour dans la grotte. Bilan de l'opération, 8 otages de plus. Ah, ça, c'est un échec, alors. Pas tout à fait. Le magistrat et le capitaine du GIGN ont pu parler avec Ganou. Et ils ont conclu que le chef des ravisseurs est bien embarrassé. C'est-à-dire qu'il ne sait pas comment s'en sortir? Oui. Bianconi et Le Gorju pensent alors qu'une solution pacifique peut être mise en œuvre. Une médiation. Oui, hein, ouais. À force de discussion, le capitaine obtient l'autorisation de sortir de la grotte. Son idée, c'est de demander au chef du FLNKS, Djibaou, et les autres, de convaincre Dianou de se rendre. Le Gorju explique son idée au général Vidal. Ouais. Et réaction de... Ah, Vidal est un militaire. Si le gouvernement lui en donne l'ordre, il est prêt à retirer provisoirement ses hommes et à favoriser une négociation. Mais parmi ses officiers, beaucoup ne comprennent pas. Eux, ils veulent en découdre, casser du canard. Ouais. Ouais, mais le dernier mot revient au gouvernement. Hein. Sur place, le gouvernement, c'est Bernard Ponce, qui est arrivé à Nouméa et entend coordonner les opérations. Et dans un premier temps, Ponce semble plutôt favorable à la proposition du capitaine Le Gorju. Résultat, on observe une certaine détente. Le Gorju fait des allers-retours entre la grotte et l'extérieur. Bianconi recouvre une relative liberté de circulation et les ravisseurs peuvent être ravitaillés par les habitants des tribus voisines. On peut alors penser qu'on s'achemine vers une solution pacifique avec la médiation du FLNKS. Là. Mais ça n'est pas aussi simple. Entre-temps, il faut le souligner, Chirac a décidé un envoi massif de militaires et surtout de contingents de troupes spéciales, des hommes du commando Hubert, formé de nageurs de combat très expérimentés et aussi des militaires du 11e choc. Ah ben ça, ce sont les hommes du service action de la DGSE. C'est ça, oui. Et ça signifie que le Premier ministre candidat est partisan de la force. Alors qu'on peut encore espérer que le FLNKS réussira sa médiation. Un dirigeant kanak, Franck Waouzou, est contacté. Mais avant d'intervenir, il exige d'avoir l'accord du bureau politique de son parti. Aussitôt, Bernard Ponce se braque. Et pourquoi ? Parce qu'il refuse de cautionner une initiative qui pourrait apparaître comme une légitimation du parti indépendantiste. Pour lui, il est exclu de discuter avec des représentants d'un mouvement terroriste. Il va même jusqu'à envisager de dissoudre le FLNKS. Ah oui, alors, pas de dialogue, là. Ah, surtout pas. Ouais. Est-ce aussi la position de Chirac ? Difficile à savoir. Mais Matignon a tendance à faire confiance à son représentant sur place. Ouais, c'est-à-dire Bernard Ponce. Cependant, à Paris, on ne sait peut-être pas qu'à Nouméa, le ministre subit aussi l'influence de personnages qui veulent absolument l'épreuve de force. Alors qui ? J'y viendrai. Il est clair que Bernard Ponce a fait volte-face et choisi la rupture. C'est si vrai qu'il interdit à Le Gorju de retourner dans la grotte. Désormais, il n'y aura presque plus de contact avec les ravisseurs. Le pire est probable. Alors, Le Gorju joue une dernière carte. Il téléphone à son camarade Christian Proutot. Ouais, le gendarme de l'Élysée. Et il espère ainsi que le président Mitterrand va intervenir. Rendez-vous avec X tous les samedis à 13h30 sur France Inter. Dans son livre Au service du président, l'ancien chef du GIGN, Christian Proutot, raconte : si ahurissant que cela puisse paraître, c'est uniquement grâce à ce coup de fil du capitaine Le Gorju que François Mitterrand a enfin pu savoir ce qui se tramait. Lorsque je lui ai expliqué que les commandos de l'armée étaient sur le point d'attaquer, il a réagi violemment. Il n'en est pas question. Je veux absolument qu'on donne une chance aux otages et aux preneurs d'otages de sortir vivants de cette affreuse histoire. Si le gouvernement mettait son projet à exécution sans mon accord, je me chargerais personnellement d'informer les Français de la façon dont ça s'est passé. François Mitterrand pouvait-il imposer une solution pacifique ? Selon la Constitution, il était le chef des armées. Donc il pouvait interdire l'usage de la force. Absolument. Et ici, on touche à l'une des questions les plus polémiques de ce dossier. Je vous propose de voir ça un peu plus tard. Mais poursuivons la chronologie. Avant de se retirer, le capitaine Le Gorgu prend une initiative. Grâce au substitut Bianconi, qui continuait de circuler relativement librement, il fait parvenir aux gendarmes otages deux petites armes de poing et des clés de menottes. Car les gendarmes du GIGN étaient attachés à l'intérieur de la grotte. Ouais. Mais quand vous dites que Le Gorgu se retire... Ah, c'est tout à fait ça. Contrairement à ce que l'on voit dans le film de Kassovitz, le capitaine ne participera pas directement aux assauts. Ouais, bah une raison, là. Oui, oui, Le Gorgu, et on peut le comprendre, s'est dit brisé, lessivé par la somme d'efforts qu'il a produit pour empêcher à tout prix un carnage prévisible. Enfin, passons. À Paris, Chirac veut absolument en finir avant le deuxième tour de l'élection présidentielle fixée au 8 mai. L'assaut est donc prévu pour le matin du 4 mai. Et le jour n'a pas été choisi au hasard. Il pleut violemment. Les bruits seront donc étouffés. En outre, des défenseurs ont momentanément quitté le camp. Cependant, au dernier moment, un report est décidé. Mmh, pour quelle raison ? Ah, ça, je ne sais pas. Et c'est assez incompréhensible, car du fait de l'absence d'un certain nombre d'occupants de la grotte, le bilan humain aurait été moins désastreux. C'est donc le lendemain matin, 5 mai, que l'opération doit avoir lieu. Pendant toute la nuit, les trois équipes, le commando Hubert, le 11e choc et le GGN, progressent silencieusement vers la grotte. C'est une marche pénible à travers la végétation. Mais à 6 heures du matin, tout est prêt. Soudain, trois pumas apparaissent au-dessus de la forêt. Quel est leur rôle, là ? Ah, bah, faire diversion et impressionner les ravisseurs. Et aussitôt, les hommes des commandos se ruent à l'assaut et commencent par neutraliser les postes de défense installés à l'extérieur de la grotte. Les canaques se battent ? Oui. Deux soldats tombent. D'autres sont blessés. Et les combats sont très violents. Une douzaine d'indépendantistes sont tués au cours de ce premier engagement. Mais d'autres se trouvent toujours dans la grotte. Et avec eux, les otages. Rien n'est donc réglé. Et on peut craindre le pire pour ces otages. Un cessez-le-feu est alors décidé. On essaie de parlementer. Ah oui, mais Dianou et les autres refusent. Alors, en fin de matinée, c'est l'assaut final. Les assaillants utilisent toutes les armes sophistiquées en leur possession et les commandos se rendent maîtres de la grotte. Des indépendantistes se rendent, d'autres ont été tués. Et des otages ? Ben, ils se sont libérés de leurs menottes et grâce à une cheminée, ils ont réussi à gagner la surface pendant l'assaut. Donc ils sont sains et saufs. Alors maintenant, faut aborder l'aspect le plus sombre de cette opération militaire. Ouais, les suites de l'assaut. Oui, oui, je vous ai dit que les indépendantistes qui n'ont pas été tués se sont rendus. Parmi eux, il y avait en particulier leur chef, Alphonse Dianou, qui a été blessé au genou. Sa vie n'est pas en danger, non ? Non, non, non. Non, non. Et Le Gorgu, qui réapparaît après l'assaut, lui a même personnellement posé une perfusion. Or, quand il arrivera plus tard, près de Fayeoué, on constatera que Dianou est mort. Ah. Alors que s'est-il passé ? Ah ben, il n'y a que deux hypothèses. Ou on l'a laissé sans soin, ou on l'a tué. D'ailleurs, des témoins observeront que Dianou n'a plus sa perfusion et qu'il porte des blessures au visage. Et on se posera les mêmes questions pour deux autres indépendantistes qui ont trouvé la mort après la fin des hostilités. Bah, votre avis ? Bah, écoutez, j'étais pas sur place. Mais on en sait beaucoup plus aujourd'hui. Le capitaine Le Gorgu a parlé d'actes contraires à l'honneur. Les exécutions sommaires. En effet, c'est ce qu'ont affirmé de jeunes canaques qui n'étaient pas dans le camp des ravisseurs, mais faisaient partie des porteurs de thé, c'est-à-dire de ces gens qui ravitaillaient les occupants de la grotte. D'ailleurs, l'un de ces jeunes gens a été tué d'une balle tirée dans le dos. Ah, et un peu comme les corvées de bois, tristement exécutées par les parents en Algérie. Et l'enquête de commandement qui sera décidée par le nouveau ministre de la Défense, Jean-Pierre Chevènement, établira qu'un officier a violemment frappé les prisonniers au visage et évoquera plusieurs fautes graves. Donc des coups qui auraient pu entraîner des morts. Hein. C'est vraisemblable. Mais bien entendu, le ministre Ponce a aussitôt démenti. En tout cas, l'assaut de la grotte d'Ouvéa se traduit par un véritable massacre. 19 Kanaks et 2 militaires tués. Alors que sans nul doute, on aurait pu choisir une autre voie. Justement, vous m'avez laissé entendre que Bernard Pons était peut-être sous influence à Nouméa. Oui, il existait là-bas une faction extrémiste dans la communauté caldoche. Des gens qui étaient des nostalgiques de la politique coloniale. Et parmi eux, il y avait au moins un ancien des services secrets. Ah ben c'est peut-être lui qui aurait suggéré l'intervention du 11e choc. C'est possible. Alors revenons à l'autre question essentielle. Est-ce que Mitterrand aurait dû refuser à Chirac l'utilisation de la force pour résoudre cette affaire ? Il l'aurait pu, je vous l'ai dit, en tant que chef des armées. En réalité, il faut bien reconnaître que le président a joué un double jeu. Ben, c'est-à-dire ? Ben, d'un côté, par l'intermédiaire de son conseiller pour la Nouvelle-Calédonie, Edgar Pisani, il a donné son feu vert à un plan secret qui devait permettre une issue pacifique. Vous avez des détails ? Oui, oui. Le préalable imposé par le président, c'était la libération des otages. Pisani, en discutant avec Jean-Marie Djibaou, a obtenu cette promesse. Les ravisseurs devaient ensuite être embarqués dans un avion militaire pour gagner la métropole où ils auraient été emprisonnés jusqu'à leur procès. Et je peux vous dire que tout avait été prévu. Le plan devait devenir effectif le 9 mai, au lendemain de l'élection présidentielle. Même des places dans des maisons d'arrêt avaient été retenues. Donc, si je comprends bien, ce plan a été abandonné. Et Mitterrand a donné un autre feu vert, celui de l'attaque. Je ne vois essayer à tout prix d'excuser Mitterrand, mais ne peut-on pas penser qu'il a été mal informé ? On l'a cru, mais ce n'était pas le cas. N'oubliez pas que Le Gorgu avait téléphoné à Proutot. Ce dernier avait immédiatement prévenu le président. Mitterrand savait donc exactement ce qu'il en était. Alors, pourquoi a-t-il accepté que la force l'emporte ? Je crois qu'il a d'abord pensé à sa réélection. Il n'approuvait pas, mais il laissait faire. Et après tout, il pouvait penser que c'était Chirac qui porterait seul la responsabilité du massacre. Un premier ministre candidat qui voulait avant tout prouver à l'opinion qu'il était un homme fort. Et sur ce point, Mitterrand a eu raison. Pour terminer, je voudrais vous donner un extrait d'un dialogue assez hallucinant, rapporté par le général Vidal, le responsable militaire de l'opération à Nouméa. Avant l'assaut, Jacques Chirac appelle ce général au téléphone, extrait trouvé sur le site Mediapart. Jacques Chirac, que pensez-vous de l'idée d'intervenir, général Vidal ? C'est possible, mais difficile et risqué, Chirac. Que feraient les Israéliens et Margaret Thatcher dans un pareil cas ? Vidal, il le ferait. Chirac, alors nous allons le faire. Détail incroyable, Jacques Chirac demande alors à l'officier de s'engager par écrit sur les pertes envisageables. 1 à 2 tués, 6 à 8 blessés, minimum, écrit le général. Enfin, je vous rappelle la parution de l'ouvrage de Philippe Le Gorgu, écrit en collaboration avec Jacques Folleroux, qui a inspiré Mathieu Kassovitz, UVA, La République et la Morale. À samedi prochain, vous pouvez nous joindre sur franceinter.fr ou encore patrick.penaud@radiofrance.com. Rebecca de Nantes, comme d'habitude, a préparé cette émission qui a été réalisée par Michel Biou et Monsieur Djoub lui a ajouté ses petites notes. Et tout de suite après le flash, un peu de vert, c'est au deux mon amour de Denis Chessou.